Actualité. Bon midi, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. D'abord, les négociations sont au point mort entre Québec et Uber à quelques heures de l'échéance pour trouver une entente sur un projet pilote. Il est minuit moins une puisque la nouvelle loi 100 sur le taxi entre en vigueur cette nuit. En mêlée de presse ce matin, le ministre des Transports, Laurent Lessard, n'a laissé aucune place à la possibilité de prolonger le sursis qui a été accordé cet été à l'entreprise californienne. Certes, Uber a accepté de payer la TPS et la TVQ. Cependant, son modèle d'affaires reste incompatible avec l'esprit de la loi québécoise qui repose encore sur l'émission de permis, comme par le passé. Et les relations sont tendues entre l'aéroport de Québec et les transporteurs aériens, l'aéroport qui a obtenu enfin son centre de prédénoiement américain. Elle le demandait depuis 10 ans et pourtant, 3 transporteurs américains annoncent qu'ils réduiront la cadence des vols vers les États-Unis. United, Delta et American Airlines justifie officiellement cette diminution de service par les constructions qui ont cours présentement à l'aéroport. Il semble cependant qu'une demande insuffisante dans la saison creuse soit aussi en cause. Ce matin, le journal Le Soleil nous apprenait que les transporteurs aériens jugeaient démesurés les travaux d'agrandissement, un projet de 225 millions de dollars. Les transporteurs aériens qui ont refusé en bloc la requête de l'aéroport de Québec qui voulait augmenter les frais imposés aux passagers, ces frais qui sont déjà parmi les plus élevés au Canada. Et enfin, scène municipale sortie plus tôt ce matin des élus de l'opposition pour demander à l'administration de Québec plus d'efforts en matière de sécurité routière. Les conseillers municipaux de Démocratie Québec indiquent que de 2010 à 2015, le nombre de piétons et de cyclistes victimes d'accidents sur les routes, eh bien, ce nombre est demeuré stable. Les élus auraient préféré, bien entendu, le voir diminuer. Écoutons les conseillers municipaux Yvon Bussière, suivi d'Anne Guérette. On a une philosophie dans la ville de Québec, on dit on a le libre choix du moyen de se véhiculer, l'automobile, les transports collectifs ou à pied. Donc, on veut donner des rues qui sont très fluides pour les automobiles et sécuritaires. On veut donner des voies rapides aussi pour le transport collectif, mais il faut donner aussi des trottoirs et des voies pour les piétons qui soient sécuritaires. Le penser et agir piéton doit être dans le souci de tout fonctionnaire qui, dans des travaux publics ou d'aménagement de territoire. Vous avez vu récemment le maire annoncer 15 millions de dollars supplémentaires pour refaire 227 kilomètres d'asphalte en ville. Puis il n'y a aucune amélioration qui se font en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer dans 1 an, dans 2 ans? Voilà pour ce point sur l'actualité. Retrouvez-nous sur le web et les médias sociaux pour plus de nouvelles.